que je suis venu pour qu'on m'entende. Représenter mes boys, moi j'ai besoin de ma dose. Mais sache que je ne suis pas un tox. En toute compréhension, mon son arrache les casques. C'est en bécane de compète que je viens poser cette dédicace. Hey, pour tous mes frères issus des forêts de ciment, je viens déposer mes lyrics tout droit venu des bâtiments. Si la roue tourne, c'est parce que je reviens de loin, de là où les poètes pleura, où l'on pense plus au lendemain. La vie nous teste avant le paradis et l'enfer. Nous sommes des cibles de l'état, le monde tourne à l'envers. Et si j'ai mal, c'est parce que le mal nous condamne. On scanne pour des regards et part au star pour des pédales. Mes rimes viennent de mon cœur, mon écart. De l'impact des erreurs posées sur pulsations cardiaques. Je fais que surfer entre le réel et le faux. Partant des fonds de ma vie jusqu'aux conneries dans les infos. Alors pourquoi vous avez un péter? J'en avais pas. Vous êtes vraiment menteur. J'aime pas qu'on me traite de menteur. T'as compris? Et si je te dis que j'en avais pas. T'as un copain qui a dû me le mettre dans la poche, c'est tout. Belle relation. Mais ma fille, j'ai encore dû pour t'ambiancer. Je peux dire que t'as pas fini d'entendre ma voix en train de rapper mort-vivant. Car je suis renfermé sur moi-même. Mais j'ai guère de joie. Mais qu'il faut voir la vie qu'on mène. Je suis un peu comme à Kaboul dans une balle qui s'achève. Perdu dans le hip-hop comme dans nombreux de mes rêves. Tu me trouveras pas dans leur putain de figurine. Notre plaisir à nous c'est tout péter en featuring. Depuis tout petit, mon son s'imprègne de la routine. Aux côtés de MC contre d'autres qui tapinent. Bloqué entre 9 mètres en cellule, j'emporte l'enfer avec moi au lieu de me droguer de pilules. Je débarque dans les bacs après de nombreuses écritures. Toujours dans mon bloc entre la fume et les ratures. Je prépare ma feuille suite à mon inspiration. Aujourd'hui je suis toujours là après de nombreuses réflexions. T'as vu comment on peut aller loin? T'as vu ce qu'on peut se permettre avec ces foireux là? Aussi bien avec les riches comme Janvier qui se déculottent pour qu'on les dénonce pas qu'avec les pauvres qui se déculottent eux aussi. Alors on se demande bien pourquoi. Probablement que c'est la mode en ce moment de se déculoter. Et toi, toi, non, jamais! Non, pas encore. Si je m'exprime, c'est peut-être pour soigner mon langage. Si je me noie dans la tisse, ce n'est que moi que ça engage. Venu de la périphérie, accompagné de ma rage. Venu de là où les bouffons veulent nous stopper dans les barrages. Hey, c'est par mon art que je fais passer mon message. De par mon discours que je prévois l'atterrissage. Sache que j'ai pas fini de tracer ma route. Que j'écris des textes en masse parlant de tout ce qui me dégoûte. Souvent sur le net, en photo dans des graphismes. Ou posé dans mon Porsche avec des pensées qui m'attristent. J'aurais pu dire n'importe quoi si j'étais artiste. Malheureusement mon rêve est un cauchemar réaliste. Hey, le manque d'oseille m'apprend à me satisfaire de peu. Même si parfois il m'arrive d'en faire un acte scandaleux. J'ai jamais été si loin, je sais pas où j'allais. En vrai le chemin importe peu, je sais que j'y arriverai. D'un autre côté, il faut bien dire que de le flinguer comme ça de sang froid, quand on est tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. Eh ben, tu feras travailler les autres. Tu seras forcé de devenir patron. Tu vois où ça conduit d'être malhonnête?